La troisième réunion du comité de l'Association coréenne de l'espace cosmique a eu lieu le 22 juin au Palais des sciences et techniques à Pyongyang. On y a discuté des problèmes pour la réussite du séminaire sur l'espace cosmique 2017.